Qu'est-ce donc qu'il nous veut, l'échafaud? Cette charpente spectre accoutumée aux foules, cet îlot noir qu'assiège et que bat de ses houles la multitude, aux flots inquiets et mouvants, ce sépulcre qui vient attaquer les vivants et qui, sur les palais ainsi que sur les bouges, surgit, levant un glaive au bout de ses bras rouges. Mystère et qui se livre au carrefour, morceau de la tombe qui vient tremper dans le ruisseau, bravant le jour, le bruit, les cris, bière effrontée qui, féroce, cynique et lâche, semble athée. Ô spectacle exécré dans les plus repoussants, une mort qui se fait coudoyer aux passants, qui permet qu'un grilleur, hors de l'ombre, l'attire, une mort qui n'a pas l'épouvante du rire, dévoilant l'escalier qui dans la nuit descend, disant « Voyez !» marchant dans la rue, et laissant la boue éclabousser son linceul semé d'astres, qui, sur un tréteau, montre entre deux vils pilastres son horreur, son front noir, son œil de basilic, qui consent à venir travailler en public, et qui, prostitué, accepte sur les places la familiarité des fauves populaces.